Audiomatique. Pour lancer cette transmission 3, 4, 5 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi la formation Soccer 96, qui est composée du claviériste Dan Levers et du batteur Maxwell Hallett, les deux participants également de leurs instruments, entre autres à la formation The Comet Is Coming. Donc, de leur projet Soccer 96, mené en duo, on entendait la pièce de Swamp de l'album As Above, So Below. Parfois, la diversité musicale est l'expression même d'une diversité ethnique et culturelle. C'est le cas ici avec la formation Afro-Celt Sound System, qui se fait entendre à l'instant à Audiomatique. Thank you. à Audiomatic. C'était le groupe américain The National et sa chanson The Geese of Beverly Road, extraite de son troisième album Alligator, lancé en 2005. Et précédemment, il s'agissait du groupe Afro Celt Sound System, qui a été fondé en Angleterre et de qui nous entendions la pièce Doll Dogs de leur cinquième album intitulé Anatomic et paru en 2005 également. C'est maintenant le projet GAS qui nous offre une longue pièce pour cette séquence audiomatique. à Audiomatique, cette séquence composée d'une seule pièce était l'œuvre du projet GAS et il s'agissait d'un extrait de l'unique pièce-titre du plus récent album intitulé Rausch, paru en 2018. Nous vous présentons maintenant à Audiomatique le groupe anglais Black Midi. Thank you. but everyone loves. Record sound. Vous avez peut-être reconnu à Audiomatic la musique de Tricky, qui est le projet de Adrian Taz et qui a fait partie de Massive Attack au début de leur carrière jusqu'en 1995. De son troisième album en tant que Tricky, qui s'intitule Angels with Dirty Faces, sorti en 1998, nous vous avons offert la chanson Record Companies. Et pour amorcer ce bloc musical, le groupe anglais Black Midi nous interprétait la pièce Ascending Forth, qui vient clore son deuxième et plus récent album Cavalcade, qui est paru le 26 mai 2021. C'est sur la musique du projet Brighter Death Now, mené par le Suédois Roger Karmanik, bien connu pour avoir fondé l'étiquette de disque Cold Meat Industry en 1987 et qui a produit parmi les plus grands noms dans les genres Dark Ambient et Dark Industrial. Donc, de son projet Brighter Death Now, nous entendrons la pièce titre de l'album Necrose Evangelicum, produite en collaboration avec Mortis. L'album en question est paru en 1995. Malgré notre présence constante dans l'univers virtuel à travers, entre autres, nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic, nous continuerons toujours et encore de vous convier au rendez-vous en direct du mercredi 17h sur les ondes de CFOU 89.1 FM. Voici donc pour terminer sur une note ambiante Brighter Death Now et sa pièce Necrose Evangelicum. C'était Audiomatic avec les sonoristes. We got into one game where we'd roll up in a rug and the person who tried to get out of it was like a large throw rug. And it was, I guess, what fascinated us individually about it is it was completely... it broke up the monotony, I guess. gas chamber game. Severed heads of women.